بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وهذا لفظ مسلم وأما لفظ الصحيحين فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. البخاري et مسلم ont cité dans leur recueil respectif الصحيحين selon أبي هريرة رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il fasse preuve de bienfaisance et de générosité envers son voisin. Ceci est la version de Muslim. La version dans Sahihain, dans le Bukhari et Muslim, alors qu'il ne fasse pas de tort à son voisin. Et ensuite le prophète qui continue en disant, et celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il fasse preuve de bienfaisance et de générosité envers son invité. وهذا الحديث نتكلم عنه في هذه الليلة وحاولت أن أقسم الكلام عليه أقساما. Donc ce hadith que nous allons aborder en cette nuit, j'ai essayé de diviser donc plusieurs étapes dont la façon d'aborder ce hadith afin de nous faciliter sa compréhension, tout en sachant que il se peut qu'on puisse ou qu'on ait le besoin par la suite de faire un deuxième ou un troisième cours sur le même sujet. فهذا الحديث عظيم. Ce hadith, il est grandiose. Il a des leçons. Il contient des leçons très bénéfiques. أولا مكانة الجار. Premièrement, la place importante du voisin en islam. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم أنه قال لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim, qu'il a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril n'a cessé de me recommander le bon comportement avec le voisin, à tel point que j'ai pensé qu'il allait le faire hériter. C'est-à-dire que normalement, l'individu, s'il meurt, ceux qui vont hériter de lui sont ses proches. Mais Jibril a tellement parlé du voisin au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, il dit, jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait lui donner à lui aussi de l'héritage de l'individu. Cela nous montre la place du voisin en islam. Waljiranu arba. Il y a quatre types de voisinage. Al-jaru al-muslim al-qarib. Le voisin qui est musulman et qui fait partie de la famille, il fait partie des proches. فهذا له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. Et donc cette personne mérite le droit de l'islam, le droit familial et le droit du voisinage. Donc cette personne mérite le bon comportement et la bienfaisance envers elle par tous ces droits que nous avons cités. Thaniyan al-jaru al-muslim. Deuxièmement, le voisin musulman. فهذا له حق الجوار وحق الإسلام. Alors celui-là, il a le droit du voisinage et le droit de l'islam. ثالثاً الجار القريب. Le voisin qui fait partie des proches. Troisièmement. فهذا له حق الجوار وحق القرابة. Et donc il a le droit du voisinage et le droit familial. Le droit, donc, du fait qu'il fasse partie des proches. Rabi'an, quatrièmement, El-Jar, El-Kafir, le voisin mécréant non musulman. Fahadha lahu haqqul diwar. Alors celui-ci, il a le droit du bon, il a le droit du voisinage. Ne pense pas que parce que toi tu es musulman et que lui, il ne l'est pas, ça te donne le droit de mal te comporter avec lui, d'être hautain. Non. Tu dois faire preuve de bienfaisance envers lui. Et c'est ta religion qui t'ordonne cela. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, elle est générale. Elle englobe donc les non-musulmans, elle englobe donc les musulmans et les non-musulmans. Fal muslim yanbaghi lahu an yuhsina ta'amulahu ma jiranihi. Et donc le musulman doit faire en sorte d'avoir un bon comportement avec ses voisins. Al muslimina wal kuffar, les musulmans et les mécréants. Wa kadhalika jiranul masjid. Et de la même façon les voisins de la mosquée. Ba'dun nas yakhruju min al masjid wa yu'dhi al jiran bi sawtihi. Certaines personnes sortent de la mosquée et font du tort aux voisins par leur voix. وَهَذَا لَا يَنْبَغِي. Et cela n'est pas convenable. أَوَّلًا إِذَاءُ الْجِرَانِ مُخَالِفٌ لِلْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Premièrement, donc cela n'est pas convenable. Pourquoi? Premièrement, parce que le fait de faire du tort aux voisins est contraire en la foi, contraire à la foi en Allah et au jour du jugement dernier. Le fait de faire du tort à tes voisins ou aux voisins de la mosquée, cela est contraire à la foi, les frères. Et il faut faire attention. Ça, c'est premièrement. Thaniyan, qad yatarattabu ala fi'lik dararun lil muslimin. Il se peut que ton acte soit la cause d'un mal qui touche les musulmans. Penses-tu si un jour la mosquée est fermée à cause du fait qu'à chaque fois que tu sortais, tu parlais fort, que tu dérangeais les voisins, et qu'il y a une pétition, etc., etc. Il faut penser aux conséquences de nos actes, aux conséquences de nos paroles. Il faut faire attention à ce genre de choses, mes frères. وَهُنَا كَفَائِدَةٌ أُخْرَى. Il y a aussi une autre leçon. جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَيَتَيْنِ. En rassemblant les deux versions que je vous ai cité du hadith de Abi Huraira. An al-mar' qad yaktafi bi'adami idha'i jarihi wa yadhunnu annahu fa'ala ma 'alayhi. Et donc il se peut que l'individu, il se suffit de ne pas faire de tort à ses voisins. Et il pense qu'il a accompli ce qui lui est obligatoire. Alhamdoulillah, moi je fais pas de tort à mes voisins, on ne se parle pas trop. J'essaie pas de savoir s'ils vont bien. Je n'essaie pas de les aider quand ils ont des problèmes, mais au moins je ne leur fais pas de tort. On va lui dire non, hada la yakfi, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas te suffire de ne pas leur faire de tort. En plus de ça, il faut que tu rajoutes le fait d'être bienfaisant avec eux et d'être généreux avec eux. Pourquoi? Par rapport à la deuxième version du hadith, fal yukrim jara. Qu'il fasse preuve de bienfaisance et de générosité envers son voisin. وفي الحديث أيضا الحث على إكرام الضيف. Il y a aussi dans le hadith l'incitation à la bienfaisance et la générosité envers le voisin. وعدم إكرام الضيف مخالف للإيمان بالله واليوم الآخر. Il faut donc savoir, comme on l'a vu précédemment, donc le fait de ne pas faire preuve de bienfaisance et de générosité envers les invités est contraire à la foi en Allah et au jour dernier. وَهَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ الْإِسْلَامَ دِينُ الْمَحَبَّةِ. Et ce point-là fait partie des points qui nous montrent que l'islam est une religion d'amour. وَهَذَا الْجَانِبُ يُهْمِلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Beaucoup de personnes n'accorde pas d'attention à ce sujet, à ce côté, le côté de l'amour qu'il y a entre les gens, entre les hommes. C'est important. فَإِنَّ الْمُتَأَمِّلِ فِي نُصُوصِ الشَّرْعَ يَجِدُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ تَحُثُّ الْمَرْأَ بِالْقِيَامِ عَلَى جَمِيعِ الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا تَزْدَادُ الْمَحَبَّةِ. Car celui qui médite sur les textes de la législation verra que celle-ci incite les individus à accomplir des actes qui vont permettre l'augmentation de l'amour. L'augmentation de l'amour. Aujourd'hui, si tu prends un frère par la main, ça sera mal vu. C'est vrai ou pas? On se lève, je pars, je prends un frère par la main, c'est mal vu. Ici en France. Parce qu'on a une mauvaise tarbiya. Eh oui, parce qu'on a été touché par l'éducation du système ici. À chaque fois que tu vois deux personnes, deux hommes qui se tiennent par la main, tout de suite, tu as une mauvaise idée qui te vient à la tête. Non. Un homme, il aime bien son frère, machallah, il le prend par la main. Il lui fait la collade. Combien de méchéhir on a vu parmi nos savants à Médine qui se tiennent main dans la main lorsqu'ils avancent. Se dirigeant vers la mosquée, ils se tiennent main dans la main. Se tenir main dans la main, deux hommes. Cheikh Rabi et Cheikh Ubeid, combien de fois on les voit, ou on entend d'eux, Cheikh Ubeid qui dit qu'est-ce que j'aime, Cheikh Rabi, subhanallah. Où sommes-nous de tout cela? Al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans son livre Al-Adab al-Mufrad, An Anas, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا كان أحدكم يحب أخاه فليعلمه. Si l'un d'entre vous aime son frère, alors qu'il lui dise. Qui d'entre nous va voir son frère lui dise, Ya Akhi, je t'aime en Allah. Parfois, il y en a certains, tu leur dis ça, ils te disent, oh là là là, stop, tu t'arrêtes tout de suite. On ne va pas plus loin. Ya Akhi, je t'aime en Allah. Je t'aime en Allah, mon frère. J'aime ta façon, la façon dont tu pratiques ta religion, ton comportement, alhamdoulillah. Et donc cette religion nous incite à faire des causes, mes frères, qui vont augmenter l'amour entre nous. Et ce point est important, il ne faut pas qu'on le néglige. Il ne faut pas qu'on le néglige, c'est important. À tel point que certains de nos salafs, ils disent, si tu aimes quelqu'un, alors ne prends pas de ses nouvelles. Ne prends pas de ses nouvelles chez d'autres. Si tu veux avoir ses nouvelles, tu lui demandes directement. Parce qu'il se peut que tu demandes à quelqu'un qui en fait ne l'aime pas, et que cette personne, elle va te dire du mal de lui, ce qui va diminuer l'amour que tu ressens pour lui. Tellement les salafs, ils accordaient de l'importance à ce point-là. L'amour qu'on a entre nous. Et donc, je m'incite, moi ainsi qu'à vous-même, les frères, à faire attention à ce côté. Faire les causes. Chacun pour augmenter l'amour qu'il y a entre nous et qu'on soit unis, tous ensemble et qu'on ne se divise pas. ثُمَّ قَالُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Et ensuite, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِي قَالَ الْحَافِظُ النَّوَوِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمْ فَإِنْ كَانَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ خَيْرًا مُحَقَّقًا يُثَابُ عَلَيْهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا فَلْيَتَكَلَّمْ. الْحَافِظُ النَّوَوِي, il nous dit la signification de cette parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que si la personne veut parler de quelque chose qui est réellement un bien, qui est un bien concret, par lequel il sera récompensé, une parole qui est obligatoire ou recommandée en islam, alors qu'il parle. Alors qu'il parle. وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ خَيْرٌ يُثَابُ عَلَيْهِ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْكَلَامِ سَوَاءٌ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ. Ensuite, il continue en disant, et si il n'apparaît pas à cette personne, donc elle médite sur sa parole avant de parler, et si il ne lui est pas apparent que cette parole est un bien par laquelle elle sera récompensée, alors qu'elle s'abstienne. Alors qu'elle s'abstienne de parler. Même si il lui est apparu que cette parole est interdite, ou détestable, ou autorisée. Moubah. Une parole autorisée. T'as envie de dire quelque chose qui est autorisé. Mon téléphone est noir. C'est autorisé en islam, je peux le dire. Ici, Al-Nawawi, il te dit, là, le mieux pour toi, c'est que tu te taises. Il explique. Il dit, فَعَلَ هَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ مَأْمُورًا بِتَرْكِهِ مَنْدُوبًا إِلَى الْإِمْسَاكِ عَنْهُ مَخَافَةً مِنْ إِنْجِرَارِهِ إِلَى الْمُحَرَّمْ أَوِ الْمَكْرُوهِ. Et donc il dit Nawawi, et donc en se basant sur cela, la parole autorisée, il nous est ordonné de la délaisser. Mais ce n'est pas un ordre qui stipule une interdiction. Pourquoi ? Donc il continue le Cheikh Nawawi, il continue en disant, donc la parole légiférée, la parole autorisée, il nous est ordonné de la délaisser. Il est donc recommandé, donc ordonné, mais ce n'est pas un ordre qui stipule une obligation, mais de façon recommandée. Il est donc recommandé de la délaisser par crainte que cela nous entraîne à tomber dans le haram, dans l'illicite ou dans un cas qui est donc détestable. وَهَذَا يَقَعُ فِي الْعَادَةِ كَثِيرًا أَوْ غَالِبًا. Et ensuite il dit Nawawi, et cela, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, ou la majeure partie du temps. La majeure partie du temps, t'es là avec les frères, on parle de quelque chose de moubah, on est là, voiture, etc. Au final, on est tombé sur du haram. Au final, la conversation, elle s'est terminée par du haram. Pourquoi ? La conversation, ça a commencé à parler sur une voiture. Au final, après, c'est allé sur le travail. Et après, tu as fini, tu as parlé sur ton frère. À la fin, tu as fini, tu as parlé sur ton frère. Et donc, il te dit, Nawawi, si tu vois que ta parole, tu n'es pas récompensé par cette parole que tu vas dire, le mieux pour toi est de t'abstenir. Le mieux pour toi est de t'abstenir. Idan, donc, fin de citation. Idan. علينا أن نتأمل قبل أن نتكلم لأن المرء قد يقول بلسانه ما يخرجه من الإسلام أو قد يقول ما يجعله فاسقا بعدما كان عالما فعلينا أن نتقي الله فيما نقول. Et donc, il est impératif que l'on médite bien avant de parler. Car l'individu peut dire quelque chose, peut dire une parole qui le fait sortir d'islam. Ou il peut prononcer une parole qui va faire de lui un fasiq alors qu'il était auparavant un savant. De la même façon, donc, il est convenable, mes frères, que l'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce que l'on dit. Walakin al-ishkal fi zamanina hadha anna an-nasa ikhtalatat 'alayhim al-umur fala yadruna ma huwa al-halal wa ma huwa al-haram wa ma huwa al-wajib min al-kalam. Le problème à notre époque, vous savez c'est quoi le problème? C'est que les gens ne savent plus. Les gens se sont mélangés. Les gens sont troublés. Ils ne savent plus quelles sont les paroles qui sont autorisées, les paroles qui sont légiférées, les paroles qui sont interdites. Ils ne savent plus. À cause des nombreuses ambiguïtés qu'il y a en ce sujet. Il a daraja, anna ba'dan nas, yansibuna aqwalahum al-muharrama. إلى دين الله تبارك وتعالى فتجده يتكلم في أناس أبرياء بلا حجة ولا برهان ويقول هذا من علم الجرح والتعديل. À tel point que certaines personnes vont attribuer leurs paroles illicites à la religion d'Allah تبارك وتعالى. Ils vont attribuer leurs paroles illicites à la religion d'Allah. Tu sais, lorsque une personne fait un péché, les péchés se distinguent les uns des autres. Il y en a qui sont plus graves que d'autres. Mais il y a quelque chose de vraiment grave. Lorsque tu fais un péché qui fait partie des grands péchés et que tu dis, c'est la religion d'Allah. Et que tu dis, c'est la religion d'Allah. Certaines personnes vont parler sur des personnes innocentes. Ils vont les accuser de certaines choses sans aucune preuve. Et ensuite, ils vont te dire, cela fait partie de la science de la critique et de l'éloge. Al-jarh wa ta'dil. Tu n'as pas étudié al-jarh wa ta'dil, akhi. Tu ne veux pas savoir. C'est permis. Il me permet de parler sur un tel. Ouais, c'est permis. Et donc, ils se permettent de parler sur les gens comme cela. Sans qu'on puisse leur dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils te disent que cela fait partie de la religion. Wa fil muqabil ta'ifatun ukhra idha akhbartahum bi khuturati firqatin aw shakhsin 'ala 'aqidatihim wa dinihim wa dhakarta lahum adillatan qati'atan 'ala dhalik qala laka hadha min al-ghibati al-muharrama. Et à l'opposé, il y a un autre groupe, lorsque tu vas les voir pour les conseiller, et tu leur informes du danger d'un groupe spécifique ou d'une personne spécifique concernant leur croyance, concernant leur religion, et que tu leur cites les preuves éclatantes montrant la véracité de tes propos. Ils te disent, cela fait partie de la médisance, Akhi. Cela fait partie de la médisance. Et donc, vous avez vu déjà dans les noms et attributs. Dans les noms et attributs, certains sont tombés dans le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Ils vont te dire, Allah, il est comme ci, il est comme ça. Ils essaient de faire ressembler Allah à ses créatures. Dans leurs propos, bien sûr. Et d'autres, qu'ils vont voir ça, ils vont dire, ah non, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas tomber dans ce mal? On va rejeter tous les noms et attributs. Ils vont rejeter tous les noms et attributs. Et donc, ils vont répondre au mal par le mal. Là, c'est la même chose. Ils ont vu que certaines personnes exagéraient en parlant sur d'autres en toute injustice. Et donc ils vont dire, ah non, ça c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne parle plus sur personne. Ah non, non, non, non, non. Si tu parles sur quelqu'un, c'est interdit après. Ceci est de la médisance. Ceci est de la médisance. Dans tous les cas, oui. Si tu parles sur quelqu'un, c'est de la médisance. Idan mahu as-sawab. Mahu as-sawab fi hadha kullihi. Quelle est donc la vérité là, dans tout cela? Où est la vérité? Hal yajuzu lil insan an yatakallama fi ghayrihi fayat'ana fi? Est-il permis à un individu de parler d'autrui et de le critiquer? Est-il permis? Yanbari awwalan an yu'lam أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نهيا عن الغيبة. Donc premièrement, première étape pour répondre à cette question, il faut savoir que Allah et son messager صلى الله عليه وسلم ont interdit la médisance. Allah تبارك وتعالى qui dit ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Et que aucun d'entre vous ne médise de son frère, et que aucun d'entre vous ne médise d'un autre. Est-ce que vous aimeriez manger la chair morte de votre frère alors que vous détestez cela? Il est donc interdit de médire de nos frères. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. L'imam muslim a cité dans son recueil authentique selon Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, est-ce que vous savez qu'est-ce que la médisance? Et il dit, Allah et son messager sont plus savants. قَالَ ذِكْرُكَ أَخِيكَ أَوْ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que tu cites ton frère par quelque chose qu'il déteste. Tu cites ton frère par quelque chose qu'il déteste. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ. Et donc quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, que dis-tu du fait que ce que je dis de lui est vrai? Je suis en train de dire quelque chose sur lui qu'il n'aime pas, mais c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, in kana fihi faqad irtabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Si ce que tu dis de lui est vrai, alors tu as médit sur lui. Et si ce que tu dis de lui est faux, alors tu l'as calomnié. Il faut donc faire attention, mes frères. Réfléchis bien avant de parler. Est-ce que ta parole te sera profitable? Ou est-ce qu'elle va te faire du tort? فَالْرِيبَ لَا شَكَّ أَنَّهَا مُحَرَّمَةً. Et donc, il n'y a aucun doute sur le fait que la médisance est interdite. لَكِنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي أُنَاسٍ. Cependant, elle a été rapportée de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de certaines personnes. Qu'il a parlé de certaines personnes. أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أن فاطمة بنت قيس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباها. Et donc Fatima, l'imam muslim a cité dans son recueil que Fatima bint Qais, elle allait voir le prophète صلى الله عليه وسلم l'interrogeant. Et elle a dit que Muawiya ibn Abi Sufyan ainsi que Abu Jahm Les deux lui ont demandé en mariage. Les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant: Amma Abu Jahl, fala yada'u 'asahu 'an 'atiqihi. En ce qui concerne Abu Jahl, alors il ne lâche pas son bâton. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui frappe beaucoup. Il ne lâche pas son bâton. Wa amma Muawiya fa su'lukun la malala. Et Muawiya, il n'a pas d'argent, il est pauvre. Inkihi Usama. Marie-toi avec Usama. Ici, le prophète, il a parlé sur eux ou pas? Il a parlé sur des gens ici. Il a parlé. Famin huna zakara al-ulama. Anna al-kalama fil ghayri. In kana fihi maslaha. Faja'izun. Bel kod yakunu wajiban. Et c'est en se basant sur cela que les savants ont dit que le fait de parler d'autrui, s'il y a en cela un bien, alors cela est légiféré. Même, il se peut que cela soit obligatoire. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Excusez-moi, on va faire plus long que d'habitude. Mais j'ai essayé de raccourcir le plus que possible. Mais Inch'Allah, on va le faire malgré ça, on va le faire en plusieurs assises. Bi'idhnillahi ta'ala. Falidhalika, thabata an kithirin minal ulama, annahum takallamu fil rijal. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté de façon authentique que beaucoup de savants ont parlé sur les gens. Beaucoup de savants on parlait sur les gens. Quand le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kama fi majmou' al-fatawa ahlul ilmi la ta'khudhuhum fillahi lawmatul la'im wa la yasudduhum an sabilillahi al-'adha'im bal yatakallamu ahaduhum bil haqq alladhi 'alayhi wa yatakallamu fi ahabbi an-nasi ilayhi عملا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله il dit comme dans Majmou' al-Fatawa, et les gens de science ne craignent pas le blâme, ils ne craignent pas le fait de se faire blâmer pour Allah. C'est-à-dire que lorsqu'ils font quelque chose pour Allah, ils ne craignent pas le fait de se faire blâmer, le fait de se faire critiquer. Et les gens de science, les choses difficiles à surmonter, ne les repoussent pas du sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Au contraire, il se peut que l'un d'entre eux parle d'une vérité qui est contre lui. Et il se peut que l'un d'entre eux parle sur une des personnes qu'il aime le plus. Il se peut qu'il parle sur une des personnes qu'il aime le plus. Tout cela en œuvrant avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qist. Oh, ceux qui ont cru appliquer la justice. Kunu qawwamina bil qist. Shuhada'a lillah. Des témoins pour Allah. Walaw ala anfusikum. Aw il walidayni wal aqrabin. Même si cela est contre votre propre personne. Ou vos parents. Ou les proches. Et ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit un peu plus loin. ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين. Et donc il continue Cheikh al-Islam en disant: et les savants, ils pratiquent, ils ont parmi les œuvres qu'ils pratiquent التعديل, les éloges, ainsi que les critiques, ainsi que le fait de juger certains ahadiths qu'ils sont faibles et d'autres authentiques. Cela qui fait partie des efforts louables et des actes de piété qui sont des causes de préservation de la religion et qui permettent de la protéger des inventions de tous les inventeurs. Fin de citation. Et donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous montre ici que les savants, ils peuvent parler sur les gens. Cela peut arriver que les savants parlent sur les gens. Pourquoi? Pour préserver la religion. Qala Ibn Hajar, kama fi muqaddimati lisan al-mizan, فأقام الله طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتكلموا في الرواة على قصد النصيحة ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان ذلك واجبا عليهم وجوب الكفاية. Ibn Hajar il dit comme dans Muqaddimat Lisan, comme dans la Muqaddimat de Lisan al-Mizan, il dit: et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis en place, il a fait qu'il y ait beaucoup de personnes de cette communauté qui vont défendre la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qui vont parler sur les rapporteurs. Donc les rapporteurs, ceux qui rapportent les hadiths dans les chaînes de transmission. Ils vont donc parler sur des hommes. Et ils vont parler sur des rapporteurs à la qasdin nasiha. Leur intention dans cela est la sincérité et la loyauté. Et cela n'a pas été compté comme faisant partie de la médisance blâmable. Au contraire, cela était obligatoire de façon, donc, el-kifaya communautaire. Une obligation communautaire, c'est-à-dire que si certains savants applique cette obligation, alors les autres ne sont pas pécheurs. Qala al-Imam al-Tirmidhi. On va finir avec la parole de l'Imam al-Tirmidhi, inshallah ta'ala, et on continuera la semaine prochaine. Inshallah. L'Imam al-Tirmidhi, il dit dans les Hilal: وَقَدْ عَابَ بَعْضُ مَنْ لَا يَفْهَمُ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْكَلَامَ فِي الرِّجَالِ وَقَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ تَكَلَّمُوا فِي الرِّجَالِ. Et donc, Al-Tirmidhi, il dit, dans l'Hilal, certaines personnes qui ne comprennent pas ont blâmé les gens du hadith dans le fait qu'ils ont parlé sur des gens. Donc, certaines personnes qui ne comprennent pas ont blâmé les gens du hadith sur le fait qu'ils ont parlé sur les hommes. Et certes, nous avons trouvé plusieurs parmi les imams, parmi les tabi'in, qui ont parlé sur les hommes. Wa minhum, il y a parmi eux, Al-Hassan al-Basri et Taous, Qad takallama fi ma'bad al-Juhani. Et donc les deux, ils ont parlé sur ma'bad al-Juhani. Wa takallama Sa'id ibn Jubair fi Talq ibn Habib. Et Saïd ibn Jubair, il a parlé sur Talq ibn Habib. Wa takallama Ibrahim al-Nakhai wa Amir al-Sha'bi fi al-Harith al-A'war. Et aussi Ibrahim al-Nakhai ainsi que Amir al-Sha'bi ont parlé sur al-Harith al-A'war. Wa hakadha ruwiya an Ayyub al-Sirtiyani. Et de la même façon, cela a été rapporté de Ayyub al-Sirtiyani wa Abdullah ibn Aoun wa Sulayman al-Taymi wa Shu'ba ibn al-Hajjaj wa Sufyan al-Thawri wa Malik ibn Anas wa al-Awza'i wa Abdullah ibn Mubarak wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Waqi' ibn al-Jarrah wa Abd al-Rahman ibn Mahdi wa ghayrihim min ahli al-ilm annahum takallamu fi al-rijal. Et d'autres parmi les gens de science qui ont parlé sur les hommes, wa da'afu, et qu'ils ont critiqué donc certains hommes en disant qu'ils étaient faibles. Ils n'étaient donc pas fiables. Fama hamalahum ala dhalika. Attention, ce qui suit est très important. Il dit à Tirmidhi: Fama hamalahum ala dhalika indana wallahu a'lam. illa an-nasihatu lil muslimin. Il dit, et la seule chose, selon moi, wallahu a'lam, la seule chose qui les a poussés à faire cela, qui les a poussés à parler sur des gens, est an-nasiha lil muslimin. La loyauté et la sincérité pour les musulmans. La loyauté et la sincérité pour les musulmans. Lorsque tu parles sur quelqu'un, est-ce que c'est cette intention que tu as? La loyauté et la sincérité pour les musulmans. Est-ce que c'est cette intention que tu as lorsque tu parles sur quelqu'un? Et ensuite, il continue. Donc, il continue donc l'imam at-Tirmidhi. Et il dit, La nadhun annahum aradu ta'na 'ala an-nas aw al-ghiba wa innama aradu 'indana an yubayyinu dha'fa ha'ula likay yu'rafu. Il dit donc, et nous ne pensons pas, je ne pense pas qu'ils ont parlé sur ces gens-là en voulant faire de la médisance, mais ils ont parlé sur eux afin d'expliquer, d'exposer leur situation afin qu'ils soient reconnus, afin que les gens reconnaissent qu'un tel, c'est un innovateur, un tel, il a telle et telle faiblesse, un tel, il a telle et telle faiblesse. Faites attention, c'est pour votre religion. Et donc les savants, lorsqu'ils ont parlé sur des gens, c'était pour cela, ce n'était pas pour faire de la médisance, excusez-moi. Avant de conclure, on va juste citer un petit passage d'Ibn Rajab qui a commenté la parole de Tirmidhi. Ibn Rajab, il a commenté donc cette parole de Tirmidhi dans Sharh Ilal al-Tirmidhi, et il dit, Ibn Rajab, Maqsoud al-Tirmidhi rahimahullah, an yubayyina anna al-kalama fi al-jarhi wa al-ta'dil fi wa al-jarhi wa al-ta'dil jaizun. وقد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. Et donc il dit, Ibn Rajab, ce que At-Tirmidhi il veut par là, rahimahullah, c'est montrer que la parole, dans la critique et l'éloge, est légiférée. Et certes, les imams de cette communauté ainsi que les pieux prédécesseurs sont unanimes sur cela. Ibn Rajab qui te cite l'unanimité. Après cela, quand quelqu'un vient te voir pour te dire non, c'est pas du tout permis, tu dis attention. On a des savants qui citent l'unanimité. Et donc il faut faire attention à ce sujet. Ibn Rajab, il dit aussi, donc, toujours en commentaire, وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْغِيبَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. Il dit, certaines personnes qui n'ont pas de science ont pensé que cela fait partie de la médisance. Et cela n'est pas correct. فَإِنَّ ذِكْرَ عَيْبِ الرَّجُلِ إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بلا نزاع فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لا. Et donc pour finir, il dit, donc Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, car certes, le fait de citer les défauts d'un homme, si cela est pour un bien spécifique, comme le fait de montrer le faux témoignage de quelqu'un, alors cela est permis sans aucune divergence. Pour le cas spécifique, donc deux personnes qui sont en conflit, une personne est venue rapporter un témoignage, il s'est avéré que c'est un faux témoignage, on va montrer que ceci est un faux témoignage, et donc on va critiquer la personne qui a ramené ce témoignage. Il te dit, cela est permis sans aucune divergence, bilanizar. Alors que c'est un cas spécifique, ça ne concerne pas toute la communauté musulmane. Ça concerne un conflit qu'il y a eu entre quelques personnes. Et donc il te dit, alors, si le bien est général, si le bien est général, il englobe toute la communauté musulmane, alors celui-ci est plus en droit d'être légiféré. Il est plus en droit d'être légiféré et de parler sur quelqu'un dans ce cas-là. Et donc, les frères, il nous est impératif de comprendre ce sujet correctement. Fais bien attention lorsque tu parles. Est-ce que tu fais cela pour élever la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Car en réalité, le jaq wa ta'dil, c'est pourquoi? C'est pour élever la religion d'Allah. C'est pour élever la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas pour toi ou pour tes amis. Non. Si tu parles, c'est pour la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et rappelle-toi bien de la parole de nos salafs, comme Abu Zur'a, qui dit « Man takallama fi hadha sha'ni » عن كل من تكلم في هذا الشأن على غير الديانة قد أعطب نفسه. Toute personne qui parle dans cette matière sans le faire pour la religion, il mène sa propre personne à la perdition. Toute personne qui parle dans ce domaine, tu vas parler sur les hommes. Un tel est bien, un tel n'est pas bien, un tel est bien, un tel n'est pas bien, un tel est bien, un tel n'est pas bien. Toute personne qui le fait pour autre que la religion, il mène sa propre personne à la perdition. Alors faites attention. Faites attention, réfléchissez bien avant de parler. Réfléchissez bien avant de parler. Est-ce que ce que vous allez dire vous sera profitable dans l'au-delà? Ou est-ce que ce que vous allez dire va vous mener à la perdition. On va continuer sur ce sujet, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. On va aborder certains points très importants, tels que qui doit parler. Est-ce que tout le monde doit parler? Donc, qui doit parler? Aussi, tels que est-ce que c'est un sujet qui est spécifique aux chaînes de transmission? Parce qu'à la base, les savants du hadith ont utilisé cela pour savoir est-ce qu'un hadith était authentique ou pas. Et donc, ils ont parlé sur les rapporteurs pour savoir si le hadith est authentique ou pas. Mais est-ce qu'on peut le faire sur une personne qui donne des cours, par exemple? Est-ce qu'on peut le faire sur Abdelkarim? Moi, j'ai pas de chaîne de transmission. Moi. J'en ai aucune. Ou alors, est-ce que le fait de parler sur quelqu'un, c'est spécifique aux chaînes de transmission? On va aborder cela la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Et tout cela, pourquoi? Pour nous permettre de méditer, les frères. De méditer avant de parler. Faites attention, c'est un passage glissant. Et la chute est lourde. Le fait de parler sur nos frères est un grand péché. Le fait d'attribuer cela à la religion d'Allah est plus grave. Et donc, fais attention à faire la distinction entre le jaq wa ta'dil, la science de la critique et l'éloge, et la médisance. Car le problème à notre époque, c'est ça. Que les gens ne font pas la différence entre les deux. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيكم بارك الله.